Jouer avec moi, les copains. Zando, domineur. Je sais pas, moi, je répète ça maintenant, j'en sais rien. No compraste pan. Tú no compraste pan. ¿Compraste pan? ¿Tienes pan en tu casa? ¿Compraste pan? No, yo no compro pan. Yo no compro pan. Thank you. On peut jouer en mi hein, si vous voulez. D'ailleurs, on passe en mi. Non, non, non, mi mineur, ça vous voit pas.